En raison du contexte sanitaire, notre série sur le corps féminin est exceptionnellement et temporairement interrompue. Elle sera reprogrammée dès que possible. En attendant, et pour patienter, je vous propose d'apprendre à devenir vertueux avec Jean Kelevitch. Vladimir Jankélévitch est né en 1903 et il a 36 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Né de parents russes juifs, il a fait des études brillantes à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, où il fut reçu premier à l'agrégation. Il a commencé une carrière universitaire prometteuse. Puis il fut professeur à l'Institut français de Prague, à Lyon, en fac de lettres à Besançon, puis à Toulouse. Et il a déjà rédigé plusieurs ouvrages majeurs de philosophie, dont l'incroyable livre sur Henri Bergson, publié en 1931, ainsi que sur la musique. Mais à partir de 1937, il se met à travailler à un certain traité des vertus. Un traité des vertus. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un traité de morale, en général, une philosophie morale, dans laquelle il y a le mot vertu dans le titre, ce qui lui donne un aspect un peu démodé, évidemment. C'est là que j'étudie alors la galerie des vertus, n'est-ce pas, elle défile les unes après les autres, ces dames qu'on appelle des vertus. Et ces vertus sont nombreuses, courage et fidélité, humilité et modestie, gratitude et pardon. Et pour commencer cette semaine, la sincérité, qui est bien plus que l'art de ne pas mentir. Et l'homme qui redevient sincère redevient diaphane, fait tomber des barrières opaques. Gotta be sincere. You gotta be sincere. You gotta feel it here. 'Cause if you feel it here, well then you're gonna be honestly sincere. If what you feel is true, really feel it, you make them feel it too. Write this down now, you gotta be sincere, honestly sincere. Man, you gotta be sincere. If you're really sincere, if you're really sincere, if you feel it in here, then it's gotta be right, oh baby. Oh honey, hug me, suffer. In everything I do, my sincerity shows through. I look you in the eye, don't even have to try. It's automatic, I'm sincere. When I sing about a tree, I really feel that tree. When I sing about a girl, I really feel that girl. I mean, I really feel sincere. Bonjour Laure Barrias. Bonjour Adèle Vanretz. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir à ce micro pour parler de Jean Kelevitch. Vous êtes enseignante-chercheuse en philosophie à l'Université de Strasbourg, l'auteur d'une thèse sur la pensée de Jean Kelevitch. Et on commence cette série autour des vertus, le traité des vertus. On a entendu la voix de Jean Kelevitch qui le présentait comme étant un essai de philosophie morale, ce qui au fond n'est pas vraiment une définition. J'ai l'impression qu'on ne peut pas définir la vertu chez Jean Kelevitch. Non, et d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas effectivement de définition rigoureuse de ce qu'est une vertu hein, dans le traité des vertus. L'idée, ça va être justement de multiplier les touches, les représentations, les descriptions des vertus. À un moment, il le dit, hein, qu'est-ce qu'on peut faire des vertus à part les décrire puisque, bon, on le verra peut-être plus tard, mais elles ne s'apprennent pas, elles ne s'enseignent pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est en parler, multiplier les descriptions à leur sujet. C'est un livre qui se trouve en plusieurs volumes, colossal, hein, c'est près de 800 pages, qui sont exactement fidèles à Jean Kelevitch lui-même, c'est-à-dire que ça va parfois dans tous les sens, puis ça revient, il semble se contredire, et en fait non, tout trouve son sens. On a cette espèce de foisonnement qui est à la fois déroutant et très stimulant pour le lecteur, mais surtout, j'ai dit, il commence à y travailler en 37, on a la veille de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a un rapport entre le contexte historique et la rédaction de cet essai. Oui, oui, bien sûr, c'est totalement une coïncidence parfaite entre un moment historique et une forme philosophique qu'il choisit et qui va même au-delà de ça. Hein. C'est, comme vous l'avez dit, c'est une écriture qui est extrêmement foisonnante, les phrases partent dans tous les sens. Il dit effectivement, d'une certaine façon, une chose et son contraire. Il y a un mouvement de balancier perpétuel, c'est une oscillation. En fait, la méthode philosophique de Jean Kelevitch, c'est probablement l'oscillation, c'est-à-dire que on avance d'un pas, on recule de deux, et comme ça, quelque part, dans ces, entre ces images qui abondent, qui surabondent, bah, on voit quelque chose de l'ordre de l'entrevision de ce que c'est qu'une vertu, et non pas dans quelque chose, dans une présentation qui serait didactique, qui progresserait par argument logique. Là, on serait complètement hors des sentiers de la vertu, en fait. Oui, mais pour autant, il ne procède pas comme le faisait Aristote quand il parlait de la vertu, uniquement du côté de la description d'une sorte de pratique qui va devenir une habitude et ainsi une seconde nature. Il y a quand même des concepts, une forme de métaphysique aussi, quoi qu'il s'en défende, hein, dans cette philosophie des vertus. Absolument, oui, oui, tout à fait. Et je pense d'ailleurs que le traité des vertus, c'est une forme de cri nostalgique face à une métaphysique qui est perdue d'une certaine façon. Et le but des vertus, c'est justement d'arriver à retrouver une forme de... Mais qui est un effort déjà vain, hein, mais de retrouver une forme de stabilité ontologique dans quelque chose qui échappe complètement à toute conceptualisation, en fait. C'est-à-dire qu'il commente énormément Aristote, effectivement, et il s'oppose à la description de la vertu comme une habitude qui faciliterait l'action, mais il le dit aussi à beaucoup d'autres moments. Être vertueux, ça n'est pas être virtuose, ça n'est pas pratiquer un talent, ça n'est pas avoir une aisance, une facilité accrue dans l'exécution des gestes ou dans l'exécution d'actes dans la relation à l'autre. C'est avant tout un rapport à soi et qui justement ne peut pas s'apprendre. Pour essayer de comprendre dès à présent ce que Jean Kelevitch entend par vertu, même si on a une semaine pour y parvenir, on peut déjà dire d'emblée que pour lui, la vertu des vertus, la vertu cardinale, c'est l'amour. Et ça, c'est très étrange parce que comment faire de l'amour une vertu? L'amour qui est un sentiment, qui est parfois une passion, qui semble dépossédée de soi, en faire une vertu, c'est une étrange idée. Oui, alors... Ou alors c'est l'amour chrétien. Ah oui, on est quand même assez proche de ça. On est beaucoup plus proche d'un amour chrétien, d'une forme d'agapé, plutôt que d'une forme de passion charnelle qui nous lierait à l'autre. C'est vraiment plutôt de cet ordre-là. C'est une relation à l'autre et à soi qui est de l'ordre de l'absolu et justement qui n'est pas soumise aux intempéries de la passion, à ce qui serait évanescent. Ou c'est la vertu, c'est véritablement aimer l'autre, en fait. Être vertueux, c'est ça. Et c'est pour ça, on le verra aussi sûrement par la suite, mais que être sincère, c'est être courageux, c'est être fidèle. Il n'y a pas une distinction, il n'y a pas une panoplie de vertus qui se complémenterait, en fait. Elles sont toutes les unes dans les autres. Et donc, finalement, on peut résumer être vertueux par le fait d'aimer son prochain, en fait. Donc, effectivement, c'est un Jean Kelevitch assez chrétien dans ces pages-là. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il est plus chrétien avant la Seconde Guerre mondiale qu'après. Hein, absolument. Après la Seconde Guerre mondiale, il va se tourner beaucoup plus vers des textes juifs, et qui, parce que dans son éducation, est beaucoup plus tournée au départ vers des textes chrétiens. Et puis avec la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir vraiment une volonté de retourner à ces textes juifs. J'avais commencé à parler des vertus, même avant la guerre, et fait une première édition très imparfaite, très prétentieuse, confuse. Et j'ai consacré une dizaine d'années à cet ouvrage, sous sa première forme. Et je l'ai écrit pendant les loisirs que me laissait à ce moment-là la guerre, la résistance, et aussi le jeu de cache-cache avec la Gestapo et avec les occupants. C'était pas une période de tout repos. Et j'avais d'autres occupations qui consistaient à écrire des tracts et différentes d'autres bricoles qui n'étaient pas spécialement de la morale spéculative. Et je pense même que la véritable morale à ce moment-là, elle ne se faisait pas en écrivant des livres. Elle se faisait ailleurs, dans les maquis. Enfin, bref, il me restait quand même un peu de temps, puisque je n'avais plus d'emploi et plus de fonction. J'étais révoqué, même deux fois révoqué, deux fois de suite, par des lois d'exception. Elles me concernaient toutes, à raison de mes origines. Alors, j'avais donc des loisirs, tout en étant très occupé par ailleurs, par ces besognes dont je vous parle. La véritable morale ne se faisait pas en écrivant des livres, dit-il, et il sait de quoi il parle, en effet, puisque lui-même entre dans la résistance, il parle du maquis, et pourtant, c'est ça qui m'intéresse, et pourtant il écrit ce livre, c'est qu'il y a donc bien quelque chose, une certaine morale, un certain engagement qui n'est pas entièrement satisfait en allant faire de la résistance dans le maquis, comme il le dit. Bien sûr, et là je pense qu'on entend vraiment tout Jankélévitch. Hein. D'un côté il dit on ne fait pas de la résistance en faisant des livres, mais il écrit du mensonge, ce petit livre, en 42, après avoir rejoint la résistance en 41. Enfin, il y a quand même, c'est encore une fois ce mouvement de balancier, on dit une chose puis son contraire. Quand il dit que le traité des vertus était très confus dans sa première version, il l'est toujours. Ça reste un livre qui est très foisonnant, où il y a des confusions en permanence, mais c'est justement au milieu, en faisant jaillir, c'est une remarque que Bergson avait faite, un de ses livres, en disant que justement, en multipliant les images, en multipliant les champs de description, on arrive à saisir à un certain moment, on ne saurait pas dire à quelle page, à quelle phrase, quelque chose de l'ordre de la vérité de ses vertus. Mmh. Est-ce que vous, quand vous l'enseignez à vos élèves, Jankélévitch, comment est-ce que vous vous y prenez de manière extrêmement concrète? Parce que, au fond, vous parlez de cette oscillation, ça semble incompatible avec un enseignement qui serait ordonné, qui procéderait par concept. Oui, c'est assez compliqué en fait. Il y a deux façons de faire. Soit on fait du Jankélévitch, mais je pense que c'est pas la meilleure façon de l'enseigner. C'est-à-dire qu'on reste justement, on rend hommage à son style. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose, je trouve que c'est pas toujours lui rendre service, justement, de souligner en permanence son style, voilà, extrêmement démonstratif. Ou alors, on procède inversement par une forme de reconstruction des concepts qui se trouvent cachés, qui sont dissimulés, mais qui sont tout à fait présents dans son œuvre. C'est-à-dire qu'on commence par l'organe obstacle, la paradoxologie, etc. Tous ces concepts qui, en fait, qu'on peut retracer dans l'œuvre de Jankélévitch, mais il faut y aller vraiment à la hache, quoi. Alors, on va y aller, je ne sais pas à la hache, mais en tout cas, en lisant le livre, avant d'en arriver à la sincérité qui va nous occuper aujourd'hui, on va quand même faire une première tentative de définition de la vertu. Il s'agit du moment où Jankélévitch compare la vertu à l'héroïsme. C'est sans doute l'occasion qui fait le héros. Mais tout à l'inverse, c'est la vertu qui fait l'occasion courageuse, et l'occasion généreuse, et la conjoncture charitable. Et la vertu compose tout cela avec les humbles faits divers de la quotidienneté domestique, comme l'abeille fait son miel. Par exemple, le sincère ne connaît pas de grandes et de petites circonstances, mais simplement une problématique journalière qui exige un sacrifice de chaque minute. Insistons encore. C'est l'événement imprévu et absurde qui révèle le héros à lui-même et lui donne l'occasion de déployer une force d'âme dont il ne se serait jamais cru capable. Sans les occasions du sacrifice suprême, le modeste employé de bureau devenu héros de la résistance n'aurait jamais découvert en lui-même ces ressources insoupçonnées, cette surprenante et incroyable abnégation. L'héroïsme est spasmodique, mais la vertu, si elle existe, devrait être chronique. Que dirait-on d'un juste qui n'aurait de vie morale que le dimanche? On dirait précisément qu'il n'a pas de vie morale et qu'il n'est pas un apôtre, mais un dilettante. La vie morale étant quelque chose qui se continue tous les jours du mois et toutes les heures de chaque jour. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Jankélévitch cette semaine et on essaye de lire son traité des vertus aujourd'hui. Première vertu, la sincérité, en compagnie de la philosophe Laure Barrias. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jankélévitch a le sens des formules. On l'a entendu ici dans ce texte lu par Vincent Schmitt. L'héroïsme est spasmodique, mais la vertu, si elle existe, devrait être chronique. Que dirait-on d'un juste qui n'aurait de vie morale que le dimanche? Donc on n'est pas vertu de temps en temps, on est vertueux ou on ne l'est pas. Oui, absolument. Et en même temps, ça n'est pas non plus un état. Ouais. Donc on est toujours, je pense que ça va être aussi le mouvement de notre émission, c'est un mouvement de balancier. Effectivement, c'est à la fois une pratique de l'instant, c'est-à-dire qu'on est courageux à l'instant face à l'occasion qui se présente à nous. Mais en même temps, puisqu'on a été courageux dans l'instant, on a aussi d'une certaine façon toujours été courageux. Le courage n'est pas simplement le courage de la seconde, c'est pas un micro-courage, c'est véritablement... une façon d'être soi, en fait, et qu'il faut pas non plus confondre avec une habitude, c'est-à-dire qu'on peut pas s'habituer au courage, hein, puisque là, on retomberait dans une posture morale et qui est vraiment l'inverse de ce qu'est une vertu. Et donc, il faut saisir ce qu'est le courage dans quelque chose de tout à fait mobile et qui à la fois définit l'être sans le figer, qui définit à la fois le sujet sans le figer dans l'être, en fait. Donc c'est ça qui est compliqué et c'est pour ça qu'à chaque fois, on avance et on recule en même temps. Vous avez dit une posture morale qui serait l'inverse d'une vertu? La morale et la vertu peuvent s'opposer? Alors la morale et la vertu, oui, c'est-à-dire que la morale peut être tout à fait, la morale peut avoir un contenu, c'est-à-dire qu'on peut vous dire il faut faire ci ou il faut faire ça, et effectivement d'une certaine façon Jankélévitch le fait en disant ce qu'il faut faire, c'est le bien. Et il faut le faire séance tenante. Évidemment, après, la porte est ouverte, puisque qu'est-ce que c'est que le bien ? C'est quand même ça. Mmh. Et puisque cette question métaphysique qui est écrasante en philosophie, de savoir qu'est-ce qu'est le bien, bah, face à cette question-là, Jean Kelevitch va répondre quelque chose qui finalement est à la fois beaucoup plus insaisissable et en même temps peut-être plus à portée d'un sujet, l'exercice des vertus. Et c'est pour ça que ce traité des vertus, il est interminable. C'est pour ça qu'il fait 800 pages, qu'il a mis 10 ans à l'écrire, que les vertus s'amoncellent les unes sur les autres. C'est parce que justement, c'est un exercice qui est à la fois une pratique quotidienne et en même temps qui se réfère à quelque chose qu'on est fondamentalement. Mais c'est pas non plus une intention. Il ne s'agit pas d'agir moralement ou avec une intention vertueuse pour le devenir. C'est pas suffisant, effectivement. C'est-à-dire que la différence de ce que dit Kant, par exemple, c'est l'intention morale qui compte. Tout à fait, parce que là, on va s'aventurer sur des terres qui vont être plutôt celles du vérisme ou d'une forme de radicalité, d'extrémisme qui est tout à fait opposée à la morale de Jean Kelevitch. Et encore une fois, c'est cette idée-là, en fait, que dans la vertu, on peut pas avoir un contenu précis, c'est-à-dire que la sincérité... On peut pas définir la sincérité par le fait de dire la vérité en toutes circonstances. Mmh. Là, ce serait plus de la vertu puisqu'on est dans quelque chose qui est déjà figé. On est de l'ordre de la définition. Et on peut pas être vertueux dès qu'on arrive à dire, à définir, en fait, un acte. L'acte vertueux, finalement, c'est quelque chose qui va se produire, qui est la rencontre de l'instant, de l'occasion et en même temps d'une disposition qui est déjà présente. C'est ça qui est compliqué à saisir. C'est cette rencontre entre le kairos, l'occasion, l'instant, et en même temps l'intervalle, la continuité de ce qu'on est. Oui, c'est-à-dire que la philosophie de Jean Kelevitch se situe exactement au point de rencontre entre d'un côté l'effort conceptuel, exactement, qui est souvent d'ailleurs irrésolu, et de l'autre l'acte même, l'agir même, le vivre même au fond. Parce que souvent, justement, la philosophie doit choisir son camp en réalité, et souvent du côté du concept, parce que si on colle trop à la vie, alors on peut pas faire l'effort de décollement qu'est le concept. Et Jean Kelevitch, lui, veut vraiment s'inscrire au point de rencontre entre les deux. Tout à fait, et c'est pour ça que je pense qu'il déçoit des deux côtés, en fait, d'une certaine façon. Ouais. Il déçoit à la fois les universitaires. Déçoit, oui. Ouais, je pense qu'il y a une forme de déception, mais qu'il y a une déception trompeuse, en fait. Parce que justement, on y trouve, dans la déception, et d'ailleurs, la déception est un sentiment qui décrit, une expérience qui décrit beaucoup, et je trouve très intéressante. Mais il déçoit à la fois les universitaires d'un côté, parce que les concepts, il manque une forme de brutalité des concepts, que moi j'aime beaucoup aussi, hein. Et d'un autre côté, il déçoit aussi les amateurs, parce que, il y a une forme, sa pensée, elle est quand même ardue. Le lire, c'est une expérience très déconcertante, puisque, on sait finalement pas toujours à quoi s'en tenir. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est un philosophe qui manque parfois son public ou ses lecteurs d'un côté comme de l'autre. On va essayer de... Alors, est-ce que je dois dire de définir ? Oui, on va essayer de définir quand même. Oui, je pense que c'est lui faire... Ce qu'est la sincérité. Alors, je vous laisse le choix. Est-ce que vous essayez une tentative de définition de la sincérité ou est-ce qu'on écoute un texte où il essaye de la décrire ? Commençons par lui, bien entendu. Alors, on commence par lui, lu par Vincent Schmitt. La sincérité est toujours belle, toujours exigible et absolument bonne. La sincérité ne dépend plus des clauses moyennant lesquelles elle deviendrait vertueuse, mais au contraire, c'est elle qui donne de la valeur à une conduite en elle-même sans valeur. Si la sincérité est inconditionnellement bonne, c'est qu'on retrouve en elle l'événement instantané du courage. La décision d'être soi-même, l'assomption effective de la vérité, n'exige-t-elle pas un violent et coûteux effort sur soi, une victoire sur l'amour-propre et sur l'intérêt propre ? Il faut du courage pour être sincère. Mais la sincérité, à son tour, a la modestie pour conséquence et pour compagne la justice. Et peut-être n'est-elle en définitive qu'une certaine façon d'aimer, en sorte que toutes les vertus sont en elle représentées. Surtout, la sincérité recoud dans l'homme scindé la déchirure de conscience. La sincérité restaure une manière d'innocence, une innocence d'adulte conscient. Elle se situe donc à mi-chemin de la conscience menteuse, qui est malheureuse de mi-conscience, et de la conscience complète, qui est inconscience retrouvée. Elle est le passage du mixte au pur, de la mauvaise conscience à la bonne, et du mensonge à l'innocence. Si vous êtes à la fois charmé et noyé, c'est normal, c'est exactement l'effet que fait un texte de Jean Kelevitch. Et vous aurez remarqué que dans ce texte, Il y a une sorte de scansion. Il dit « la sincérité est toujours belle, la sincérité est inconditionnellement bonne, la sincérité recoue dans l'homme scindé ». Et en fait, cet effort même de répétition est quelque chose de très oral, mm-hmm. ce qui rend la compréhension plus accessible. Et en même temps, à chaque fois qu'il dit la sincérité, il propose presque une nouvelle définition, ce qui donne cette sensation d'extrême densité, alors que là, on a lu à peine 20 lignes, Laure Barrias. Ouais, moi je trouve que lire une page de Jean Kélévitch, c'est un peu comme voir un Roscoe. En fait, ça bouge toujours. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui... Et c'est pour ça aussi qu'il arrive, je pense, pas à le finir, ce livre aussi, parce que c'est impossible de figer justement une pensée dans des concepts. Et c'est ça le style de Jean Kélévitch, et je pense que c'est là aussi l'essentiel de sa pensée, c'est arriver, et c'est impossible, mais arriver à saisir quelque chose qui est de l'ordre du mouvant, dans une forme qui, elle, ne l'est pas. Parce que l'écriture, évidemment, elle fige, elle referme forcément quelque chose. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu du mal à le finir, en fait. Bon, mais il y a bien quelque chose, quand même. Si on lit, on étudie Jean Kélévitch, c'est qu'il arrive à dire quelque chose. Bien. Ah, mais tout est dit. Moi, je pense que, justement, tout est dit. Mais c'est d'une certaine façon impossible de le résumer. C'est-à-dire qu'il faut cette ampleur, cette répétition du propos, cette contradiction permanente, cette paradoxologie, ce qu'il appelle la paradoxologie, c'est-à-dire avancer quelque chose. Enfin, c'est le mouvement fondamental de sa pensée, hein, l'organe obstacle qui reprend à Bergson comme concept, où il faut l'opposer, finalement, pour que la chose se produise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sincère sans être un peu menteur. Alors voilà, allons. Alors, qu'est-ce que, dans ce texte-là, qu'est-ce que vous retenez? Quelle est la première esquisse de définition de la sincérité? La première esquisse de la sincérité, je pense, elle se situe dans le rapport à l'amour, en fait. Il le dit à un moment, être sincère, en fait, c'est aimer l'autre. C'est une façon d'aimer. C'est une manière d'être qui est une manière d'être intégralement présent, finalement, à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, en fait, pour comprendre ce que c'est qu'une vertu chez Jean Kélévitch, et pour comprendre aussi pourquoi le traité des vertus n'est pas un traité un peu passéiste, un peu nostalgique, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, ça a quand même quelque chose de tout à fait anachronique d'écrire au moment de la phénoménologie, tout ça, écrire un traité des vertus, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un manuel de bonne pratique pour diriger l'action? Non, c'est pas du tout ça, en fait. L'idée, c'est de véritablement répondre à un problème moral fondamental que je pense tout sujet à éprouver, qui est le dédoublement de la conscience. Qui est qu'à un moment, alors Jean Kélévitch le situe à un moment précis dans l'enfance, il y a un jour, quand on est enfant, où le premier mensonge est proféré. Et avec ce premier mensonge, on s'aperçoit qu'on n'est pas obligé d'être transparent, qu'il y a une opacité qui est possible, que la conscience peut se redoubler, et qu'il y a donc cette déchirure qui se produit, une forme d'innocence perdue, et qui donne aussi une teneur tout à fait nostalgique à sa philosophie. Et donc la vertu, d'une certaine façon, c'est une forme de remède nostalgique à une unité, une innocence qui est perdue, déchirée par l'irruption de la conscience, par l'épreuve de l'approfondissement de la conscience. C'est quand la conscience n'est plus une façon d'être au monde tout à fait intègre, entière, qui est souvent la façon dont on caractérise les enfants, et c'est aussi à tort ou à raison d'ailleurs, parce que un enfant, même avant qu'il commence à mentir, on sent bien qu'il sait très bien jouer avec la réalité. Tout à fait. Il y a des manières d'être. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir une manière d'être? Une manière d'être, c'est évidemment se décaler par rapport à soi-même, c'est se dédoubler, c'est adopter une attitude qui nous différencie un peu de ce qu'on est intégralement, en fait. Et c'est ça exister. La définition de l'existence d'une certaine façon chez Jean Kélévitch, c'est ça. Quand on existe, c'est qu'on n'est pas tout à fait soi-même, c'est qu'on est dédoublé, et donc il faut s'accommoder de ce dédoublement fondamental. Et les vertus, d'une certaine façon, elles répondent à ce problème, ce problème fondamental qui est le dédoublement de la conscience, ce déchirement. Oui, il le dit surtout, la sincérité recoue dans l'homme scindé la déchirure de conscience. Il y a cette idée de réparation, et l'image est très forte, de couture en fait. Ouais. La sincérité vient recoudre la subjectivité. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la joie dans la pratique des vertus. C'est pas du tout... Effectivement, il y a toujours une teneur nostalgique dans les écrits de Jean Kélévitch, et il y a en même temps cette aspiration à la joie, puisque quand on est sincère, quand on est courageux, on se rejoint d'une certaine façon. On est... instantanément et absolument soi-même, mais évidemment ça peut pas durer, et c'est pour ça qu'on a des vertus qui vont complémenter, qui vont être le complément de ces vertus de l'instant et qui vont être les vertus de l'intervalle, comme par exemple la fidélité. Donc c'est alors là vous venez de distinguer, il faut distinguer les vertus du commencement des vertus de l'intervalle. Ouais, tout à fait. Donc les vertus du commencement sont les vertus majeures globalement, c'est-à-dire la sincérité, le courage, c'est-à-dire qu'à un moment il faut interrompre la trame du devenir, et il faut initier un acte qui est premier et qui ne répond à rien d'autre. C'est-à-dire que quand vous décidez d'être sincère, c'est pas parce que vous êtes contraint à l'être. On n'est pas sincère quand on est torturé. Vous pouvez dire la vérité, éventuellement, mais vous ne serez pas sincère. Comme le courage, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une occasion qui se produit, mais vous ne pouvez pas être incité ou contraint à être courageux. Il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation d'une liberté. Et à côté, en contrepoint, il y a des vertus qui vont être de l'ordre de l'intervalle, comme la fidélité, qui vont maintenir en fait ces moments exceptionnels, ces instants qui se produisent dans l'apparition de la sincérité et le courage, qui vont d'une certaine façon les entremêler dans la trame de l'existence pour maintenir en fait une forme de cohérence dans la pratique de soi. Le mal, c'est dans la disjonction des vertus, c'est d'avoir une vertu sans les autres. Le mal, c'est d'être courageux sans être sincère, sincère sans être juste, etc. Le mal, c'est la dissociation des valeurs. Une valeur dissociée des autres et devient méchante, devient mauvaise. Comme quelqu'un, par exemple, qui veut la vérité à tout prix, n'est pas dû son prochain en crever, qui fait exprès de dire la vérité à un mourant. Enfin, il trouve ça très bien, au nom de la vérité. Ça arrive. Les puristes, j'appelle ça les véristes, qui sont tellement amis de la vérité, soi-disant, qu'ils disent la vérité aux mourants. Ils disent aux cancéreux, t'as un cancer. Et il y en a pour 15 jours, tu en as pour 15 jours. Alors, et c'est vrai, et ça peut être vrai, mais ça n'en est pas moins la méchanceté. Et par conséquent, c'est ça le mal. Monsieur White, je sais que c'est difficile, mais nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider à supporter cette épreuve. Monsieur White ? Monsieur White ? Oui ? Vous avez compris ce que je vous ai dit ? Oui ? Cancer du poumon ? Inopérable ? Je suis désolé. Je veux seulement être sûr que vous avez compris. Dans le meilleur des cas, avec une chimio, je vivrai peut-être encore un ou deux ans. C'était en 2008, le premier épisode de la première saison de la série Breaking Bad, réalisée par Vince Gilligan, enfin créée en tout cas par lui et jouée ici par Walter White, hein, qui joue Bryan Cranston, ce personnage qui apprend donc dès le début de la série qu'il a un cancer, qu'il va mourir et qu'il va donc décider de prendre sa vie en main et de se mettre à fabriquer et vendre de la drogue. Ça c'est le pitch, comme on dit, le résumé de cette série, Laure Barrias, qui nous intéresse ici. C'est cette scène initiale où le médecin lui dit « Mais vous êtes malade, mais est-ce que vous avez vraiment compris que vous êtes malade ?» Et qui insiste, Jankélévitch, juste avant dans l'archive qu'on a entendu, qui datait du 29 décembre 1971, disait bien « Mais parfois, être, alors je ne sais pas si c'est du côté du mal, mais ce n'est pas être sincère que de dire la vérité à tout prix. On en connaît tous des gens qui, parce que c'est vrai, se sentent obligés ou ont un malin plaisir à dire quelque chose de vrai, alors que ça blesse, voire que ça détruit, et que parfois toute vérité n'est pas bonne à dire. » Oui, je pense que c'est un bel écho qui est créé là, un peu inattendu, mais entre Walter White et Jankélévitch. Il fallait bien qu'ils se rencontrent un jour. Effectivement, je crois que là, c'est très bien résumé dans la phrase que prononce le médecin. Je veux simplement m'assurer que vous avez bien compris. Effectivement, là, l'idée, c'est de s'assurer, de prendre une distance et de dire, moi, j'ai fait mon travail. Mon travail, c'est de vous dire la vérité. Maintenant, à vous de prendre le relais. Et effectivement, c'est une conception du soin et de la médecine qui est tout à fait problématique, qui peut prévaloir aussi à des moments et puis dans des contextes particuliers, quand il y a effectivement une menace qui pèse sur l'exercice de la médecine, quand on, par exemple, avec des procès ou ce genre de choses, mais qui effectivement tout sauf un rapport vertueux à l'autre, puisque là l'idée c'est de s'acquitter d'une tâche. Ma tâche en tant que médecin est de vous annoncer la vérité, alors je vais le faire de la façon la moins violente possible, mais ma conception de la sincérité dans ce cas-là est celle de ce que Jankélévitch appelle une hygiène du logos. C'est-à-dire, et d'ailleurs, ça colle bien avec une conception très hygiéniste de la médecine, c'est-à-dire, il faut bien régler précisément son langage. Le but de la sincérité, ce serait de s'exprimer, qu'il y ait une adéquation parfaite entre ma pensée et mon expression. Et ça, évidemment. Et puis, c'est d'ailleurs une des définitions classiques de la vérité, hein, en métaphysique, en scolastique. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est l'adéquation entre la chose et le mot. Mm-hmm. Et évidemment, Jankélévitch prend toutes ses distances par rapport à cette définition. Puisque là, cette sincérité-là, effectivement, elle tourne au vérisme. Et cette sincérité-là... Donc, c'est quoi le vérisme? Bah, le vérisme, en fait, c'est un isme, hein, c'est jamais bon signe. C'est une radicalité, une forme d'extrémisme dans la pratique de la vérité. C'est-à-dire dire la vérité à tout prix. Voilà, exactement. Or, qu'est-ce que c'est que la vertu? La vertu, c'est tout sauf le à tout prix. La vertu, c'est le balancement, c'est l'oscillation. C'est justement ne jamais être dans une attitude figée qui serait celle d'un contenu. Ce qui importe, Jankélévitch, c'est pas le contenu de la morale, c'est la forme de la morale. Mais alors, comment sait-on et quand sait-on quelle attitude il faut adopter? Faut-il dire la vérité ou non? Est-ce qu'on a un curseur? Oui, c'est à la fois très simple et très compliqué. Il faut bien le vouloir, en fait. C'est un rapport qui soit juste à la volonté. C'est-à-dire, c'est ce que Jankélévitch appelle, en reprenant un concept à Kierkegaard, le cœur pur. C'est avoir un cœur pur, un cœur simple. C'est-à-dire, c'est pour ça que le Traité des Vertus, il écrit 800 pages, mais en fait, on peut le résumer aussi d'une certaine façon en disant, il faut bien vouloir, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si je veux être sincère en tant que médecin, je sais très bien que ce que je vais dire va brutaliser, va faire violence à un patient. Et donc, c'est pour ça que si je veux être sincère et si je le veux vraiment, je ne vais pas annoncer la vérité comme ça de but en blanc. Par exemple, il y a des façons de faire. On peut proposer plusieurs consultations. On peut amener les choses d'une façon qui ne soit pas justement celle d'une je me décharge d'une vérité sur vous. Ah mais là, donc c'est la forme que Jankélévitch conteste. C'est pas le fond. Il ne dit pas que le médecin devrait mourir à son patient. Dans l'archive, on a entendu, on se demandait s'il ne préférait pas qu'on cache la vérité au patient. Non, je crois pas. Je pense que l'idée, c'est vraiment tout ce qui compte. Et c'est ça qui est difficile aussi à entendre, c'est la manière. C'est la façon d'être. Et qu'il y a quelque chose de très... finalement, qu'on peut reprocher aussi à Jankélévitch, de dire, bon, mais tout est dans la façon d'être. Mais alors, dans ce cas-là, sur quoi on peut compter? Qu'est-ce qui est... ce sur quoi on peut compter, c'est justement ce rapport à l'autre qui est de l'ordre... Ce rapport à l'autre et à soi qui est de l'ordre de l'amour. C'est-à-dire que quand on aime l'autre, quand on aime bien, et quand on veut bien, justement, on sait être sincère... d'une façon qui est respectueuse, qui est aimante. Donc ça veut dire que quelqu'un qui dit la vérité au nom de la vérité de manière brusque et qui sait que ce faisant il blesse quelqu'un, mais qu'il s'accommode très bien de cette réalité au nom de la vérité, ben c'est quelqu'un qui sera pas sincère au fond. Absolument, mais je pense qu'on l'entend très bien. Hein. Ce médecin il est pas sincère, il est professionnel. Et je pense que la vertu c'est justement l'inverse d'une forme de professionnalisme. C'est pas être bon, être virtuose, être capable de faire ça, de très bien annoncer, dérouler, par exemple dans certaines professions médicales, on vous apprend à l'annonce. On vous dit, il faudrait commencer par là, il faut avoir du métier. Alors effectivement, c'est important d'avoir du métier. Mais quand on a trop de métiers, on ne sait plus faire, en fait. On ne sait plus être sincère. Et Jankélévitch le dit à un moment, hein, l'excellence dans la pratique dessèche le cœur, en fait. Donc c'est-à-dire que si vous savez trop bien faire, c'est que vous ne voulez plus bien. Vous ne savez plus vouloir et donc vous n'êtes plus vertueux. On va prendre un autre exemple, puisque c'est ainsi que Jankélévitch procède. On va quitter le corps médical et on va aller dans un contexte à la fois terrible et en même temps dans lequel la vie est belle. C'est un extrait du film de Roberto Benigni, où le personnage principal, joué par Roberto Benigni, qui est un jeune libraire qui vit en Italie sous le régime fasciste, va être déporté ainsi que son fils dans un camp de concentration en Allemagne. Et alors le père va inventer des mensonges pour préserver son fils de l'horreur des camps. Entrée interdite aux juifs et aux chiens. Bon, écoute, on y va. Hein. Pourquoi les chiens et les juifs n'ont pas le droit d'entrer, papa? C'est comme ça, ils ne veulent pas de juifs ni de chiens, chacun fait comme il veut, hein, chez lui. Je connais une quincaillerie là, deux pas d'ici. Par exemple, ils refusent les Espagnols et les chevaux. Et juste à côté, tiens, il y a une pharmacie, figure-toi. Hier, j'étais avec un ami à moi, un Chinois qui a un kangourou. Je leur dis, on peut entrer. Non, les Chinois et les kangourous, ils n'en veulent pas. Ben, ils n'aiment pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais nous, à la librairie, on laisse entrer tout le monde. Eh ben non, à partir de demain, nous aussi, on va mettre une pancarte. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, toi? Les araignées. Moi, c'est les Visigoths. On va faire une pancarte, entrée interdite aux araignées et aux Visigoths. Et alors? Ils m'ont toujours cassé les pieds, ces espèces de Visigoths. Ça suffit. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, Laure Barrias, qu'il y a des vertus au mensonge? Ah oui, absolument. Et Jean Kélévitch le dit hein, dans le Traité des Vertus, être sincère, ça n'est pas dire la vérité. Ça n'est pas une simple, ça n'est pas un simple accord entre notre discours et un état des choses. C'est finalement un accord entre ce qu'on est et l'état du monde. Et c'est ça qui est très très différent. Et donc, effectivement, on peut s'affranchir d'une certaine façon de l'exactitude, de la précision du langage, quand il s'agit justement d'être sincère dans une relation qui est une relation d'amour. C'est ça, tant qu'on ramène les choses à l'amour, et c'est là où c'est compliqué, parce qu'encore une fois, c'est difficile de définir ce qu'est l'amour. Mais peut-être justement, on peut s'y engouffrer ici, parce que il me semble que c'est aussi un certain rapport à soi. C'est ça qui est important. C'est pas forcément l'amour de l'autre, on a dit, il y a une dimension chrétienne, etc. Mm-hmm. Mais il y a un rapport à soi quand même. J'ai l'impression qu'il y a une forme de cohérence avec sa propre conscience que vient désigner le mot de sincérité. Absolument. Et en fait, ce que dit Jean Kélévitch, et moi je le trouve très très parlant, il dit, qu'est-ce que c'est que l'inverse de la vertu? En fait, c'est la complaisance. Qu'est-ce que c'est que la complaisance? C'est justement prétendre, c'est jouer à être autre que ce qu'on est. Et quand on, par exemple, dit qu'on est sincère ou qu'on se définit, quelle que soit la qualité, on joue, on fait semblant, on est dans la complaisance, on approfondit en fait la déchirure de la conscience, le dédoublement. Dès qu'on se qualifie nous-mêmes comme étant telle chose ou telle autre, en fait, on est déjà dans un rapport à soi qui est tout à fait celui de la mendacité, du mensonge en fait. Même s'il se trouve que parfois on peut être courageux, parfois on peut être sincère, mais à partir du moment où on le dit, on n'est déjà plus du tout dans une attitude vertueuse, on est complaisant. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que probablement, c'est pas certain, mais il est possible, hein, quand on lit L'être et le néant, que Sartre ait lu aussi des passages du mensonge de Jean Kélévitch, parce qu'il y a vraiment quand même un écho, alors il en tire des choses très différentes, mais sur cette complaisance, sur cette forme de mauvaise foi dans laquelle on jouerait à être quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire que vérité et mensonge n'ont rien de moral en eux-mêmes. Quand on ne sait pas dire la vérité ou dire le mensonge, ça dépend dans quel but, en fait, nous les disons. Il faut les réinscrire dans un prisme plus large. Tout à fait, il faut les réinscrire dans une relation. Et le mensonge en tant que tel, alors le mensonge évidemment est à éviter, mais le mensonge n'est pas toujours l'antithèse de la vertu. On peut tout à fait mentir en aimant. Et à partir du moment où on aime, mais vrai amour, hein, pas un amour qui détruit, dans ce cas-là, effectivement, on est dans un rapport vertueux. Et c'est ça aussi qui est compliqué chez Jean Kélévitch, parce que d'un côté, on vous dit l'impératif de la sincérité est indépassable, et en même temps, c'est une sincérité bien comprise, c'est une sincérité qui peut tout à fait inclure ce qu'il va appeler du surmensonge. Ça veut dire que dans la querelle entre Kant et Constant, où Kant d'un côté dit la plus grande transgression du devoir de l'homme envers lui-même, c'est le contraire de la véracité, c'est-à-dire le mensonge, et Constant qui va dire au contraire le principe moral que dire la vérité est un devoir rendrait toute société impossible, Jean Kélévitch serait plus du côté de Constant. Ah oui, même il va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, lui dit, il l'écrit à un moment dans le Traité des Vertus, quand un nazi vous demande si vous cachez des juifs chez vous, dans votre cave, et que vous répondez non, c'est la vérité. C'est-à-dire que ça va très très loin. C'est pour ça aussi que sa pensée a un rapport au concept qui est compliqué, parce que le concept, et c'est aussi un héritage de Bergson, le concept il fiche tout, le concept finalement il nous condamne à être, alors que le but de la vertu justement c'est pas d'être, c'est d'exister, c'est de s'accommoder de l'alternative, de la conscience douloureuse qui est la marque de l'existence pour Jean Kélévitch. Mais comment dire que c'est dire la vérité que de dire qu'il n'y a pas de juifs dans une maison alors qu'il y en a? Factuellement c'est faux. Alors factuellement c'est faux, mais du point de vue moral c'est vrai. Et donc c'est ça en fait l'idée pour Jean Kélévitch, c'est qu'il faut sortir, la sincérité sort la vérité d'un domaine simplement factuel. La sincérité c'est un rapport à la vérité bien compris, repris sur soi, dans lequel on ne dit pas la vérité, enfin la vérité, on ne dit pas factuellement ce qui est à ceux qui ne le méritent pas par exemple. Ou ceux qui... Ah, il y a l'idée de mérite. Il y a quand même l'idée du mérite qui est aussi reprise d'une certaine façon à Constant. Il y a quand même cette idée-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à ceux qui font un mauvais usage de la vérité, ce qu'on va dire l'exactitude factuelle, on ne peut pas être sincère avec eux, bien sûr. Ou alors on est sincère d'abord vis-à-vis de soi, et c'est pour ça que c'est une morale qui est aussi ce qui est un peu déconcertant quand on lit le Traité des Vertus, c'est que c'est pas une morale à mon sens qui est vraiment tournée vers l'autre, c'est d'abord une morale qui est tournée vers soi, et c'est pour ça aussi que Jean Kélévitch a quand même un rapport très fort aussi à la philosophie antique, il y a de l'ordre quelque chose dans l'ordre d'une pratique aussi des vertus qui s'adresse d'abord à soi, et c'est pour ça je pense que le concept de complaisance qu'on n'attend pas dans une description des vertus, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la vertu c'est ce qui nous permet de ne pas être complaisant. Et la complaisance, c'est vraiment ça, c'est cette attitude figée par rapport à soi. On va continuer à essayer de comprendre cet exemple avec un autre texte qui va essayer de distinguer mensonge et véracité. Vous avez parlé de vérisme. Mm-hmm. Vérisme, véracité, vérité, est-ce que ce sont des synonymes? Eh bien, regardons avec Jean Kelevitch ce qui rend menteur celui qui fait un mensonge. Ce qui rend menteur le mensonge, c'est donc une disposition qualitative de la conscience. Ce n'est pas le fait extérieur, épiphénoménal et moralement indifférent de dire la non-vérité. L'intention mensongère ressemble sur ce point à l'intention comique, à l'intention malveillante ou à l'intention humiliante, qui deviennent impalpables dès qu'on veut en assigner ou localiser le support. Si le mensonge coïncidait avec l'inexactitude matérielle, on pourrait mettre le doigt dessus, comme on met le doigt sur les lapsus, les fautes d'orthographe, les erreurs de calcul ou les coquilles d'imprimerie. Or, le mensonge n'est pas une altération grammatique, mais une intention pneumatique. Le mensonge est chose mentale, cosa mentale, et non pas même une chose. Ainsi, tout est dans la mauvaise foi, c'est-à-dire le fort intérieur vicié, car ce fort intérieur est l'intimité même du mensonge. Nul ne ment de bonne foi. La mendacité, certes, s'oppose à la véracité consciente, mais plus encore à l'erreur de bonne foi. Et nous dirons davantage, il y a une manière d'avoir raison qui est étrangement suspecte. Et cette véridicité-là est pire que l'imposture, pire que la calomnie. Par exemple, quand on dit une vérité qui tue et qu'on la dit pour tuer. À ce compte, plutôt se tromper en toute bonne foi que dire le vrai dans un esprit de malveillance. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai? Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantômas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Justement, parce que j'avais menti. Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Oh non, tais-toi! Non, écoute. Mais je ne te permets pas de me vouvoyer! Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer, ça suffit, hein! Ça suffit, hein! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule! Et oui, un mensonge n'est peut-être pas nécessairement faux, leur barrière. Et en même temps, et de plus, la vérité est parfois aussi une affaire de langage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment dire les choses et pas dire juste ce qui est, ce qui donne ce quiproquo magnifique qu'on trouve dans Fantômas, le film d'Andréine Belle qui date de 1964. Je dis quiproquo, on est en plein malentendu. Et j'emploie ce terme à dessein. Parce que pour Jean Kelevitch, au fond, le propre de la sincérité, c'est pas de venir, c'est pas comme un remède au mensonge, c'est un remède au malentendu. Il n'y a rien de pire, au fond. Ouais. Et il n'y a rien de pire. Et en même temps, il n'y a rien de plus commun. L'idée pour Jean Kelevitch, c'est qu'en fait, le malentendu, c'est une forme de degré zéro du mensonge. C'est-à-dire que la culpabilité ne se trouve pas dans l'intention. Quand un malentendu s'installe entre nous, mon intention première n'était pas de vous tromper. Mais, au bout d'un moment, je me suis aperçue qu'il y avait un malentendu et je ne l'ai pas dissipé. Et en fait, c'est vraiment le problème du malentendu, c'est dans la continuation et pas dans l'initiation. Et je pense que c'est un problème qui va devenir encore plus prégnant, par exemple avec le port des masques obligatoires partout. Finalement, le malentendu peut proliférer encore plus parce que l'idée pour Jean Kelevitch, c'est qu'être sincère, encore une fois, c'est pas être précis dans son langage, c'est pas dire les choses exactement, c'est les dire sincèrement, c'est les dire avec tout son être, avec un cœur pur. Et quand vous n'avez plus que les yeux pour vous exprimer, quand vous n'avez plus le coin d'une lèvre, un frémissement de narine ou quelque chose comme ça pour exprimer, pour communiquer votre sincérité, on va devoir encore plus se replier sur une forme d'hygiène du logos, une forme de précision dans le langage qui nous éloigne encore un peu plus de la sincérité d'une certaine façon. Alors trouver d'autres manières d'exprimer la sincérité. Il y a tout le corps parle le quand corps, nous parlons. Bien c'est sûr. Ce que nous sommes en train de faire. On bouge toutes les deux beaucoup les mains, beaucoup de parties du corps pour exprimer quelque chose. Au fond, la sincérité n'est pas qu'affaire de langage et de bouche en tout cas. Pas du tout. Il le dit. Jean Kelevitch dit le mensonge est moins affaire de bouche que de cœur. Et c'est ça en fait. Est-ce que le masque cache le cœur? C'est ça la question. C'est ça la question. En tout cas, ça rend peut-être un peu moins lisible les élans du cœur. Alors, bah, je vous le confirme, parce que les personnes que j'ai face à moi derrière la vitre qui ont un masque, je ne vois pas du tout ce qu'elles pensent, qu'elles font, mais bon, on peut dire qu'on, qu'on sent le cœur à travers la vitre. Mais cette idée de malentendu est vraiment très intéressante parce que c'est quelque chose qui est beaucoup dit aujourd'hui, notamment dans l'utilisation des réseaux sociaux. Mm-hmm. Il y a comme une exacerbation des malentendus. Au fond, ce que dirait Jean Kelevitch, c'est que le malentendu, c'est pas un problème en soi, c'est un problème quand il est irrigué par la mauvaise foi. Absolument. Or, c'est refuser de le nommer comme tel. Or, la mauvaise foi est partout. Et le problème de, justement, des réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est que vous allez exprimer quelque chose, une pensée, et qui, d'entrée de jeu, va être interprétée par l'autre comme étant ce qu'il a déjà voulu y lire, en fait. Oui. Donc, c'est ça le problème, en fait, du malentendu, c'est que le malentendu nécessite un effort permanent pour le dissiper. Et c'est pour ça que le traité des vertus fait 800 pages, et c'est pour ça que l'expression de Jean Kelevitch, quand on l'entend à l'oral, c'est une forme de rumination. Il répète en permanence la même chose, mais c'est un effort sincère, c'est ça la sincérité, c'est s'assurer que l'autre a véritablement compris ce qu'on est. Même pas ce qu'on voulait dire, mais ce qu'on est. Et c'est pour ça que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on n'exprime pas forcément ce qu'on est, mais on dit quelque chose dans laquelle on se retrouve figé et qui va susciter des malentendus à partir du moment où la mauvaise foi est extrêmement répandue. Et c'est ça qui est compliqué. Donc c'est pour ça que les formes très brèves, pour l'expression et la pratique des vertus, c'est très compliqué. Pour les Twitter. Par exemple. Oui, mais en même temps, on n'est pas obligé. On peut dissocier ce qu'on dit de soi de notre propre personne. On n'est pas obligé d'écrire tout le temps avec soi. Vous voyez, ça peut être aussi un jeu. Oui, ça peut être tout à fait un jeu, et Jean Kelevitch est un grand amateur d'ironie, et dans l'ironie, effectivement, il y a une dissociation entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, mais en réalité, encore une fois, tout est dans la manière, tout est dans, et pas dans le contenu. Et le problème des réseaux sociaux, c'est comment faire passer la manière d'être, ce qui est de l'ordre de l'immobile. Quand on fige en, je sais pas, 140 caractères, ou je sais pas si ça a augmenté, y a pas de manière d'être, il y a un contenu. Mais il n'y a plus, finalement, une forme mouvante. Et c'est ça, le problème. Parce que la vertu, elle est dans la forme. Elle est, et c'est assez surprenant, mais c'est quand même ça chez lui. Elle est dans une manière d'être. Et les réseaux sociaux figent aussi dans une certaine manière d'être qui confine à la complaisance, si on suit un petit peu son raisonnement jusqu'au bout. Mais alors, et si on suit cette distinction entre le rapport à soi et le rapport à autrui, vous avez dit que pour Jean Kelevitch, la vertu est davantage du côté du rapport à soi. Donc on n'est pas dans une forme d'éthique qui est par exemple prônée par Lévinas, mm-hmm. Que c'est d'abord le regard, le visage d'autrui qui m'ordonne de ne pas le tuer, et c'est le fondement de toute forme d'éthique. Là non, c'est pas d'abord autrui, c'est d'abord moi. Jusqu'où va-t-il dans cette conception du moi ou de l'ego? Je ne sais pas comment il le nomme, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus la prise en compte d'une épaisseur psychologique. Qui est ce moi? Existe-t-il vraiment? Alors, il y a un chapitre très intéressant sur la conscience dans le traité des vertus, dans lequel en fait il distingue toutes les ce qu'on pourrait dire une forme de millefeuille de la conscience. Dans la conscience, il y a le moi, il y a le je, il y a le soi. Le soi, c'est évidemment la forme réflexive du jeu. Le jeu, c'est la forme interpersonnelle, le contenu en fait de ce qu'on est. Et tout ce qui est justement problématique dans la conscience, et ce que la sincérité vient d'une certaine façon tenter de résoudre, c'est cette déchirure entre les instances du moi. Et c'est ça, en fait, d'une certaine façon, l'éducation aussi. Hein. Je pense que Jean Kelevitch ne le dit pas explicitement, mais c'est aussi ça, c'est s'accommoder par l'exercice des vertus d'une forme de déchirure qui s'approfondit, en fait, dans les des strates de la conscience. Et cette déchirure, elle vient pas uniquement du premier mensonge qu'on a fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. D'où vient-elle? Elle est ontologique, elle est parce que là, qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est avoir conscience de quelque chose, c'est une distance intime, en fait. C'est le Jean Kelevitch dit que le fort intime, il est déchiré. Il est fondamentalement quand on a conscience de soi, on a conscience de soi comme étant une chose ou comme étant on est dans la distance et pas dans le mouvant. Et encore une fois, tout ce qui compte pour Jean Kelevitch, c'est saisir le mouvant, ce qui ne s'immobilise pas. Or, quand on est dans une conscience, quand on a conscience de quelque chose, on est déjà très vite dans la complaisance. Encore une fois, j'y reviens, mais on est très vite dans quelque chose qui nous fige dans un état, dans une façon d'être et non pas dans une manière d'être. Mais c'est le propre de la pensée. Jean Kelevitch connaissait suffisamment bien Bergson pour savoir que justement, et c'est ce que Bergson dit bien, on ne voit pas les choses elles-mêmes, on voit les étiquettes qu'on a collées sur elles. La pensée fige, la pensée immobilise, on procède par catégorie pour pouvoir avancer. Donc si le but c'est d'être le plus fidèle possible ou de coïncider le plus possible avec le mouvant, alors c'est pas du côté de la philosophie qu'il faut aller, c'est du côté de la musique ou du côté de quelque chose qui ressaisit le flux temporel. Mais c'est la tension, oui, Sinon, alors, c'est un exercice impossible, voué à l'échec. Ah oui, mais je pense que c'est très clair. Je pense que c'est un exercice voué à l'échec. La philosophie, hein. La philosophie, ouais. L'écriture en général, probablement l'existence aussi. Mais c'est cette tension, en fait. C'est vouloir, encore une fois, c'est l'organe obstacle. On veut y arriver, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous empêche. Alors, qu'est-ce que c'est l'organe obstacle? Vous l'avez dit plusieurs fois. Oui, pardon. Qu'est-ce alors, l'organe obstacle, en fait, c'est une relation fondamentale en morale qui est ce qui nous empêche et en même temps ce qui nous permet de pratiquer les vertus. Par exemple, pour être, c'est classique, hein, c'est déjà Jean Kelevitch reprend beaucoup ça aussi chez La Rochefoucauld. Pour être bienveillant, il faut être un peu malveillant au départ. Pour être sincère, il faut être un peu menteur. Pour être courageux, il faut être un peu peureux. C'est toute cette idée là que il y a pas de d'affirmation, d'apparition des vertus qui seraient comme des catégories en nous. On n'est pas sincère sans mentir aussi. On n'est pas bienveillant, encore une fois, sans vouloir un peu du mal à notre prochain aussi. Et organe obstacle, Bergson le dit bien, par exemple, c'est l'œil. L'organe nous permet de voir. Ouais, absolument. Mais en même temps, c'est un obstacle, on ne peut pas voir derrière la tête, par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est tout à fait cette relation qui, je pense, est vraiment ce qui représente le plus son style, sa pensée, son rapport au concept et son rapport à la morale aussi. Mais alors que cherche-t-il Jean Kelevitch, vous pensez? Je pense qu'il cherche à ressaisir ce qui est de l'ordre de cette conscience douloureuse qui définit l'existence pour lui vraiment. Hein, qu'est-ce que c'est qu'exister? C'est le malheur de la conscience. C'est être à distance de soi. Et en même temps, d'un autre côté, c'est aussi la tentative qui n'échoue pas toujours. Il y a des moments de grâce aussi dans la vie. C'est pas une philosophie simplement nostalgique et tragique, mais c'est aussi ça. Et c'est aussi une philosophie de la joie, de l'instant, de l'amour qui se rencontre et qui justement se multiplie, foisonne en permanence parce que justement c'est ça l'existence, c'est l'alternative fondamentale. C'est-à-dire que je distinguais un peu, de manière un peu, mettons, pédagogique, didactique si vous voulez, trois formes de transparence. La sincérité, c'est une transparence. Et l'homme qui redevient sincère redevient diaphane, fait tomber des barrières opaques. Alors à cet égard, la sincérité, dire ce que l'on pense, c'est faire que la pensée puisse se lire clairement, en transparence, en filigrane, dans les paroles. C'est clair. D'autre part, faire comme on dit, c'est la transparence par laquelle il y a une harmonie secrète, une consonance, un accord parfait majeur entre les actes et les paroles. Et enfin, devenir ce que l'on est, se réaliser entièrement, ça peut aussi être une espèce de nettoyage des opacités qui sont en nous. Mais alors, bien évidemment, la troisième forme, c'est encore une manière de parler, au fond. C'est je ne sais pas si le terme de sincérité est très propre à la caractériser. Parce que dans le fait de devenir ce que l'on est, il n'est plus fait acception de l'autre. Dès l'instant que l'autre, autrui, le spectateur, l'interlocuteur, l'auditeur n'est plus là, dès qu'il est mis entre parenthèses, alors la sincérité devient métaphorique. On distingue donc trois formes de transparence. On avait commencé avec la transparence en début d'émission. Et voilà, on va clore cette émission avec ce thème-là. Jean Kelevitch le dit bien, il y a dire ce que l'on pense, faire ce que l'on dit et devenir ce que l'on est. C'est tout un programme moral et de toute une vie, hein, d'ailleurs. Et il dit bien que finalement, devenir ce que l'on est, c'est peut-être le plus problématique des trois. Oui, absolument. Et c'est ça qui est le plus proche de la sincérité. En fait, quand on dit ce qu'on pense, on est du côté de la franchise. Ce qui est très bien, mais pas toujours très bien d'ailleurs. Ce qui est pas suffisant. Dire ce qu'on pense, parfois c'est très courageux, mais parfois c'est aussi tout à fait une lâcheté fondamentale dans la relation à l'autre. C'est tout à fait malveillant. Parfois, dire ce qu'on fait, c'est aussi très bien. C'est un engagement et c'est très important d'être engagé dans ce qu'on fait. Mais la vraie sincérité, la sincérité qui est la plus ardue à pratiquer et qui effectivement, qui est une forme d'échec joyeux, parce que je pense qu'on peut jamais tout à fait y arriver, c'est effectivement devenir ce qu'on l'on est dans une relation aimante avec l'autre. Donc là, on a quand même la réintroduction d'autrui. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est une morale qui, effectivement, part de soi, mais qui n'est pas une morale solipsiste. Le but, ce n'est pas, encore une fois, d'atteindre une forme de perfectionnisme de ses propres vertus. On n'est pas vertueux pour soi. On est vertueux pour devenir soi-même dans un rapport à l'autre. Donc, il y a vraiment cette relation qui s'instaure entre le sujet et l'autre dans la pratique des vertus. Mais alors, pour être fidèle à Jean Kelevitch jusqu'au bout, j'imagine que vous essayez de l'être, en tout cas, enfin je sais pas, vous avez travaillé sur lui, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur tout. Dans quelle mesure est-ce que ce que dit Jean Kelevitch de la vertu, en l'occurrence, vous êtes-vous dans votre manière de conduire votre vie? Est-ce qu'il y a une application directe? Est-ce que vous êtes jankélévitchienne jusqu'à ce point? Non, je pense pas. Je pense que de toute façon, être dans un rapport d'école ou de dogmatisme face à des philosophies, c'est, je pense, ne pas leur être fidèle, et en particulier à Jankélévitch. Je pense que ce qui est très, moi en tout cas, ce qui m'affecte beaucoup dans sa lecture, c'est une forme de, ça désarme, je trouve, par rapport à des postures qu'on peut avoir dans la vie sociale, des postures en tant que dans nos rôles sociaux qui nous figent dans les relations avec les autres. Et je trouve que ce que cette philosophie nous apprend, c'est peut-être cette résistance à des postures qui dans lesquelles en fait on s'enracine au fil du temps par l'acquisition de nouveaux rôles, de nouvelles compétences. Et je crois que ce que l'essentiel de la morale, c'est peut-être un peu ça. Ça a l'air dérisoire, mais je pense que c'est majeur de résister à la complaisance et au fait de se figer dans des positions finalement qui nous trahissent. Mais vous disiez en début d'émission que les textes de Jankélévitch n'avaient pas toujours été bien reçus par les universitaires. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, je pense qu'on est assez peu nombreux. Alors ça change un petit peu, il y a de plus en plus de gens que ça intéresse, mais on est assez peu nombreux à l'université à travailler et à lire ces textes, parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement rétif dans sa pensée au travail universitaire. Le travail universitaire, c'est quand même un travail un peu d'exégèse, d'analyse un peu aussi des concepts. Et le problème, c'est que il faut trahir un peu son œuvre pour arriver aussi à, enfin peut-être pas trahir son œuvre, mais lui être fidèle d'une façon qui est un peu assez peu orthodoxe pour arriver à lui donner aussi une existence dans le monde universitaire. Mais ça, c'est assez terrible ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a une forme de formatage universitaire qui rend impraticable certaines pensées? Pas forcément impraticable, mais en tout cas, il y en a qui s'y prêtent beaucoup plus que d'autres. Celle-là, elle s'y prête assez peu finalement. Ou alors peut-être qu'elle s'y prête merveilleusement et que c'est pas encore fait. Mais c'est pour ça, par exemple, je pense qu'il y a assez peu de livres, il y a assez peu de littérature secondaire sur Jankélévitch. Ouais. Parce que c'est un peu décourageant. Et puis, il faut être aussi honnête, parfois c'est un peu fatigant ce style, cette répétition en permanence. Il y a quelque chose aussi de... Mais ça, tous les philosophes ont leurs défauts. Certains, bien entendu. Et heureusement, sinon on passerait nos vies enfermées dans leurs œuvres. Il faut quand même il faut découvrir d'autres horizons. C'est comme des parents avec des enfants, c'est qu'il y a un moment, il faut s'affranchir, il faut s'émanciper. Absolument. Et donc, est-ce que vous pensez que Jankélévitch va être davantage étudié? Enfin, je veux dire, vous travaillez sur lui, vous n'êtes pas la seule. Et non, on va en recevoir plusieurs cette semaine, des personnes qui travaillent sur l'œuvre de Jankélévitch. Est-ce qu'il y a un avenir possible quand même en France à l'université pour Jankélévitch, ou est-ce que ce sera toujours sur le côté? Je pense qu'être marginal convient bien à son œuvre, et effectivement, je pense qu'il faut quand même lui faire justice, et aussi aller un peu à l'encontre du mouvement de ses écrits et d'essayer de proposer quelque chose d'un peu catégorique, d'un peu conceptuel dans l'ordre des raisons de ce qu'il présente, parce que finalement il est tout à fait présent, mais il est éclipsé par ce style flamboyant qui a valeur de méthode philosophique, hein, ça j'en suis persuadée, mais qui peut aussi décourager. Donc oui, je pense qu'il y a tout à fait un avenir, et je l'espère à plusieurs titres. Je suis heureux, je vois la vie en rose. Les prés sont verts et le ciel est tout bleu. Même s'il pleut, oh, pour moi c'est la même chose. Car j'ai un truc épatant merveilleux. Dans tous les cas, toujours content, jamais morose. Sans prétention, je fais de l'autosuggestion. Je me mens, c'est un très bon système. Je me mens pour calmer mes tourments. Oh, c'est charmant, je me mens à moi-même. Quand ça va mal, je trouve ça normal. Je me mens tout bêtement, je me mens timidement, je me mens inconsciemment, je me mens sournoisement. Sagement, pour résoudre le problème. Je me mens, je me mens, je me mens énormément. De Jankélévitch à Fernandel, je me mens. Merci beaucoup Laure Barillas. Merci à vous Adèle. D'être venue nous parler de Jankélévitch ce matin et de sincérité pour inaugurer cette série autour du traité des vertus de Jankélévitch. Je rappelle que vous enseignez la philosophie à l'université de Strasbourg, que vous avez co-présenté l'ouvrage L'aventure, l'ennui, le sérieux aux éditions Flammarion, et vous avez présenté l'ouvrage Le pardon de Jankélévitch, toujours aux éditions Flammarion. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui mêle chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Le Goff, en compagnie de Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malanda, qui a réalisé cette émission pour vous. C'était Pascal Baudin à la prise de son et Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série « Comment devenir vertueux avec Jean Kelevitch ». Et oui, on vous dit comment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais en tout cas, on s'achemine sur cette voie. Demain, on sera en compagnie de Pierre-Alban Guinfolo qui viendra se demander si l'humilité ne serait pas, comme le dit Jean Kelevitch, une cure d'amaigrissement moral. C'est l'expression de Jean Kelevitch, évidemment. Et donc, on parlera d'humilité, de la distinction avec l'humiliation, par exemple. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On est ravis de répondre à vos commentaires, à ceux que vous y laissez en tout cas. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.